On fait pas toujours ce qu'on veut, mais on fait ce qu'on peut. C'est ça le truc. Ouais. On m'a toujours dit L.I.M. Andek. Toujours que tu respectes la famille, chez Watt, la femme et tout. J'aurais dit Andek, c'est bon. Mais pourtant, jamais, je pas toujours fait, gros. Hein. Sérieux, hein. Surtout quand tu ramènes les chemins chez toi. T'es escorté comme un barbeau et tout. Hey yo, à 9 ans déjà, j'crois t'es dans les halls. Pendant que d'autres jouaient les ninjas, moi j'voulais le monopole. Alors j'ai pris des coups par les plus grands que moi, qu'à contrôler la cour des grands pour un petit. C'est impossible, crois-moi. Et life comme j'étais, j'voulais devenir bandit. Alors quand mon pote s'allie avec ma mère, j'ai eu plein d'envie. Quand toc toc, les civils me scorent, mon père kiffe. Ça choque la famille de savoir que son fils mène une vie. Depuis j'méprise ma scolarité, évite le couteau et slash sur le pavé hérité. Et toute la journée j'squatte sur le même banc. J'visère les mêmes blancs, les mêmes déclenches, j'kive les mêmes représentants. J'lorme, qui deviennent photographes, qui deviennent facteurs des situations les plus graves. Ma mère est tombée sur ma cachette, quelques billes de sang, j'ai une trentaine de barrettes. Elle est devenue folle, elle pensait qu'à me flinguer. Et en sortant de l'école, j'écoutais des coups de balai. Et ah, une morale de dingue. Heureusement pour moi qu'elle n'est pas tombée sur mon flingue. Et là, j'vois que ses larmes coulent, que ses drames bouleversent notre vie bien cool. Dans HLM, peut-être te favoriser, mais si j'aurais pris le bon chemin, alors était sécurisé. Mais ce n'est pas le cas, car chaque jour je fracas. Et le matin, impossible de me lever dans mon tracas. Et le tracas, lui me lâche plus comme un morpion. Même quand je dors, quand on dit que je suis un champion. Alors tant qu'à faire, mec, on se laisse aller. Faut de la maille, donc on arrache les vieilles dans les chambres. Allez, sous le regard de la sœur qui rapporte le message à la mère, donc place à l'heure du dressage. Non, alors je repasse chez moi, s'il faut, pendant des semaines ou plutôt quelques mois. Donc la haine, elle règne et scène ma vie de traîneur dru. Dangereuse pour la PNJ. Imagine un autre monde, une autre vie où les autres seront positives à mon avis. Ça n'existe pas, y'a toujours quelque chose qui plaît pas, qui se fera pas, ou qui a pas dans une vie de rat. Soi-disant fait pour être magnifique. Psatique, si la tienne frère est chic. Clic clic, y'a mine se charge avant d'exploser. Car faut quitter l'âge, plutôt vous se ranger. J'pensais connaître l'amour, mais un jour l'haine m'a souri. J'pensais connaître l'amour. J'pensais connaître l'amour, mais un jour l'haine m'a souri. Même si la rue est son haram berce, comme un compte berce, le soir où les chemises rue sur mon compte commerce. Laisse, mais allez, ils croient que j'pèse. Grâce à ces putes d'archiches qui dans ma crade niche foncent des dégâts et font le genre de manga censuré, sinon t'es hors la loi. Enfoiré, foiré. J'fais le mal. Et ça me fait mal au cœur quand je le fais, alors j'ale. L'humain soit plus gros que ce que Marley. Et rêve que je baisse une tasse sur une bête d'Harley. Vas-y coupe le charlet, le pied, la caisse et la base. Et laisse la boue qui me fait penser aux menaces que la justice m'a faite lors de mon enfance, faite de violence, d'influence, de victoire et de défaite. Dans cette putain de planète, pourtant je suis loin d'être net. En tant qu'ex-dealer de savonnette. Et cette fois-ci je pense et je me dis, si je refaisais ma vie, je vais refaire ma vie. Je lâcherai pas l'école, je crachais sur la fume, l'alcool, le vol, l'ami. Et je serais ravi de dire je t'aime à ma mère. Car au fond de moi je suis pas si mauvais que ça à mon frère. Et si je vais refaire ma vie, je lâcherai pas l'école, je crachais sur la fume, l'alcool, le vol, l'ami. Je serais ravi de dire je t'aime à ma mère. Car au fond de moi je suis pas si mauvais que ça mon frère. Et aussi je vais refaire ma vie, je lâcherai pas l'école, je crachais sur la fume, l'alcool, le vol, l'ami. Je serais ravi de dire je t'aime à ma mère. Car au fond de moi je suis pas si mauvais que ça mon frère. Et aussi je vais refaire ma vie, je lâcherai pas l'école, je crachais sur la fume, l'alcool, le vol, l'ami. Je serais ravi de dire je t'aime à ma mère. Car au fond de moi je suis pas si mauvais que ça mon frère. Je pensais connaître l'amour, mais un jour l'haine m'a souri.